C'est un job extraordinaire. Non, je suis riche, bien sûr. Non, mais, non, mais je travaille. Je gagne de l'argent. Je suis riche. C'est pas ma faute, j'ai pas cherché à devenir riche, j'ai cherché à gagner de l'argent. Alors maintenant, viens me reprocher, monsieur, vous êtes riche, tout de même, c'est extraordinaire. Je parle tout seul. Oui. Oh, mais je sais. Oui. C'est tout seul que je parle pas comme ça à n'importe qui serait là. D'ailleurs, il n'y a personne ici. Alors je leur dirai, monsieur, madame, vous pouvez en aller tout seul. Je parle tout seul, c'est vrai. Et je dirai pas non. Ouf, sans nécessité, j'ai rien à dire, rien à demander. Ni à moi, ni à personne. C'est pas comme si j'étais au bureau de poste et que je demande monsieur un timbre à 40 centimes. Non, rien. Je n'ai besoin de rien. C'est pas pour obtenir quelque chose que je parle. Les bureaux de poste, ça, c'est fini tout ça, il n'y a personne. Chez moi. Rien. On ne se parle pas tout seul pour se demander quelque chose. Sans nécessité, sans besoin, je parle tout seul. Comme ça, pas pour moi. Pour rien. Et c'est pas d'aujourd'hui. J'ai toujours été comme ça. Je parle tout seul. Non, mais c'est pas la première fois qu'on me dira « Alors, tu parles tout seul ?» Moi, j'en avalais ma sucette, ma cigarette, mon stylo, ça demandait ce que je suçais, tout jeune. C'est pas la première fois, alors. On vient un peu me dire « Eh ben, monsieur, vous parlez tout seul. »« Ben oui, je... Ah, bravo, c'est une trouvaille, je parle tout seul, puis après. » »« Hein ? Et puis après, dites-le, mais oui. » Monsieur n'est pas normal, je dis pas ça, mais si, c'est une manie que vous avez, un symptôme, un ridicule, oui, un vice, ah oui, vous pouvez pas vous empêcher de parler tout seul, non, je peux, oh non, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous parler tout seul, non, bah oui, je parle tout seul, et alors, rien, vous parlez tout seul, c'est tout ce que je dis, rien, dialogue. Je suis là, je parle tout seul, et alors, lui, un monsieur quelconque, il me dit ceci et cela, et tout ça, tout ça, tout ça. Oui, j'essaie encore de parler tout seul. Pas trace de ce monsieur quelconque. C'est tout seul. Moi, tout seul, j'ai parlé. J'ai parlé à haute voix. Encore si c'était à voix basse dans ma tête. Hein. Mais non. Mais vous n'avez pas honte, ça, non, je connais. On m'engueule, comme ça. Je n'arrête pas de m'engueuler. Je rentre chez moi, je ferme ma porte pour être tout seul. C'est pour me faire engueuler. Bien sûr que la situation n'exige pas que je parle tout seul. Je ne le fais pas exprès. Des murs. Oh. Quand je m'aperçois que je parle à un mur là en face de moi, j'ai honte. Alors. Parler tout seul, faut être dingue. Mais c'est pire que ça, s'il y avait quelqu'un ici, à la place du mur, quelqu'un qui pourrait m'écouter, bah, je me tairais. Ouf, oui, ça, je me tairais. Pas si fou. Parler à quelqu'un, on dit des conneries. Rien que d'essayer, à lui, là, si j'essayais de lui, à lui, en ce moment, en ce moment, si je voulais lui dire quoi, lui dire quelque chose, oh mon Dieu, faites qu'il ne soit pas là. Oh, faisons comme s'il n'était pas là. Si je voulais à ce quidam lui dire quelque chose, par exemple, est-ce que vous auriez, monsieur, un timbre à 40 centimes? J'en ai besoin pour coller sur mon enveloppe, là, dans laquelle je dois mettre ma lettre, sur laquelle j'ai écrit quelques mots, là. Hein. Car je n'ai pas de mal à écrire. À qui? Je ne me rappelle pas. J'écris jamais. Ou alors, quand j'écris, c'est comme si je faisais rien, je n'obtiens pas de réponse. Alors, à chaque fois, c'est comme si je n'avais pas écrit. Je vois ce qui se passe dans les postes, je répète, c'est une grande machine. Une grande machine sociale et moderne. Vous savez, dans la vie, quand on se trouve aux prises avec une de ces machines modernes, mais rien qu'une petite auto, de rien du tout, une quelconque Rolls, une quelconque de Dion, bouton et bas, quand tout à coup, elle vous lâche, la petite auto, hein, qu'elle marche plus, qu'elle perd un pneu, une roue en avant, une roue en arrière, une soupape à droite, une rotule à gauche. Alors vous demandez ce qu'elle a, vous pouvez pas savoir ce que c'est, vous n'êtes pas capable. Ce sont des produits de la haute industrie, ces petites autos. Même les ingénieurs qui les ont fabriquées ne savent pas tout sur elles. Non, vous ne comprenez pas. Alors, à plus forte raison, prenez les PTT. Mais même pas la peine d'aller jusque-là. Dès lors que je prends mon stylo, je ne sais plus sa marque. Sa marque ne m'indique rien. Je suis même plus capable de savoir à qui j'écris. C'est l'aléatoire. Ma pensée m'échappe. À travers mon stylo, ma lettre part, ça je le sais, mais traversera-t-elle les PTT, ça? On est trahi par la machine. Elle arrivera à qui, si elle arrive, ma lettre? Sous quelle forme? Elle explosera peut-être en arrivant. Moi, qui crains pourtant les bombes, comme le tonnerre. On parle, mais s'il suffit de la fonte d'une boîte à lettres pour rendre méconnaissable ce qu'on dit, non. Non, alors je parle plus, moi. Je parle plus. David dit. Parlez. Voilà. Et je me surprends encore à parler. Voilà que je me surprends encore à parler tout seul. Ma bonne m'a servi ma seule. Elle est partie. Le colonel Babeuf m'a serré la main. Il m'a dit au revoir et. Quand le colonel Babeuf dit au revoir, vous pouvez être sûr que 2 minutes après, il n'y a plus personne. Ça, c'est un homme d'ordre. Ma femme m'a quitté il y a 18 ans, mon chien. À quoi bon parler de mon chien, moi, ici, tout seul? Je sais pas ce qu'il est devenu, mon chien. Il y a un meuble, là, à côté de moi. Une espèce de canapé avec ses 4 pattes qui ressemblerait assez volontiers s'il se laissait aller à un chien, à mon chien. C'est peut-être mon chien. C'est peut-être ce qu'autrefois j'ai pris pour mon chien. Ses 4 pattes, ses grandes oreillettes, cette peau de velours, cette manière qu'il a, ce canapé. Mon canapé, cette manière qu'il a de remuer sa queue, de remuer la queue à droite et gauche, comme un piano. Car enfin, j'avais un piano autrefois, maintenant. Je n'ai plus qu'un canapé, mais c'est un canapé à queue. Remuer la queue, doucement. Ouais. Au fond, peut-être est-ce que c'est à cet endroit-là, il y a 20 années, que j'avais un chien là, à côté de moi, et qu'on me l'a dit, quelqu'un. Il n'y a pas que moi, beaucoup de gens me l'ont dit. Oh, les gens! Mais alors, si c'était pas vrai, hein, pourquoi qu'ils m'ont dit ça? Un chien, que les gens sont étranges. Pour me faire croire que j'avais un chien. Non, pour flatter une manie que j'aurais eue. Mais non, je n'ai pas pu me dévoiler à ce point-là en parlant tout seul. Je n'ai pas pu prendre devant mes amis, Charles, Antoine, Stéphanie, je n'ai pas pu prendre ce canapé pour un chien, le traiter comme un chien, devant eux, lui donner un sucre à mon canapé. Non, je suis trop méfiant. Mais tout seul, si j'ai pris ce canapé pour un chien, tout seul, dans la solitude. Mais non, c'est eux qui me l'ont dit. Ils m'ont dit que j'avais un chien, mais n'importe où, une seconde. Hein, on va voir, on va chercher. Un chien, ça se remarque. Ça ne passe pas éternellement inaperçu. Hein. Je regarde. De droite à gauche. D'un regard vague. D'un regard détendu. L'œil bien rond. Je ne cherche rien. Je regarde dans le vague. À droite. à gauche, en bas, en l'air. Et j'attends. J'attends que quelque chose me saute aux yeux. Me saute aux yeux. J'attends. Il me semble que si j'avais un chien, il me sauterait aux yeux. Mais ne dites pas le contraire. Il me sauterait aux yeux en remuant la queue, même tout petit. Une puce me sauterait aux yeux. Non, mais attendez, je regarde encore. De la même manière. Droite. Gauche. En l'air. En bas. Mais plutôt du côté des fentes. Oui, du côté de là, où le plafond rejoint le mur, où le mur rejoint la moquette. Je regarde. Gauche, milieu, droite. S'il y avait une puce, je l'aurais vue. Non, j'ai jamais eu de chien. Ils m'ont raconté ça par méchanceté, simplement, pour me démoraliser. Pour me rappeler que je vis seul. On va encore me reprocher de vivre seul. Comme si c'était un crime. Encore me dire que je le fais exprès. Et mon chien, alors, qu'est-ce qui me l'a fait disparaître? Moi, peut-être. Dites que je l'ai mangé, mon chien. Hein, pauvre bête. Où-t-il? Il y a des gens qui vivent avec un chien. Moi, je vis avec un rien. Avec un pas chien. Moi, je vis seul. Seul! Oh mon Dieu, pourvu qu'on n'ait pas entendu. Oh là là, oh! Je débloque, c'est sûr. J'ai parlé tout seul. Je parle toujours tout seul. Faudrait que je me fasse soigner, peut-être. À qui est-ce que je peux parler si quelqu'un est ici? Ah, je vous jure, je lui dirai rien. J'ai horreur de parler, je vous jure, monsieur le président. Oh non, mais j'arrête pas de parler, voilà. Quoi? Vous figurez que quand je ne parle pas? Très bien, chut! Quand je ne parle pas, vous figurez que je cesse de parler? Mais non, il suffit pas de se taire. Un disque, vous avez déjà vu un disque? Vu, je dis, pas entendu, hein, tout noir, tout rond, qui tourne, par exemple, sur un tourne-disque. Vous l'avez vu, hein, un disque, sur lequel vous n'avez pas posé la petite aiguille, mais qui tourne. Et vous le regardez tourner. Et vous le regardez, qui tourne. Libre à vous de juger si c'est du Jean-Sébastien Bach, peu importe, ou la Marseillaise. Est-ce que vous reconnaissez la musique? Franchement, est-ce que vous la reconnaissez, qui tourne? Qui tourne, puisque vous voyez le disque tourner, là, là, là. L'aiguille à côté qui fait rien. Est-ce que vous reconnaissez si c'est du Bach ou la Marseillaise? Eh, non! Et pourtant, il tourne, comme disait Gallieni. Il tourne. Et moi, c'est pareil. Moi, je tourne. Je tourne. Et quelquefois, je fais du bruit. Quelquefois, quand je m'arrache l'aiguille, je fais du silence. Du silence. Mais tenez, je me tais, là. Vous m'ennuyez, vos raisonnements, je me tais. Voilà, je mets ma main sur ma bouche. Je me tais, faites bien attention, hein, je vais me taire longtemps. Hein. C'est pas une plaisanterie. Oui, oh, mais non, je ne parle à personne, il n'y a personne. Là. Et de toute façon, sont-ils passés? Où sont-ils passés? Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à être partis comme ça? D'ailleurs, il n'y a jamais eu personne dans la maison. Je ne sais pas pourquoi je m'inquiète. Je suis tout seul depuis toujours, alors, toujours pareil, je suis tout seul, alors à quoi ça sert que je me taise? On me trouvera toujours écrasé comme ça sur mon plancher, à ne rien faire, sur la moquette. Je suis écrasé. J'avais une course à faire. Je me rappelle, je ne sais plus. Me rappelle une course. Et je ne sais plus quelle course. C'est comme un disque qui tourne, vous savez, il tourne, mais Quand il n'y a pas d'aiguille dessus, on ne sait pas quel disque que c'est qui tourne. La musique a beau tourner, on n'entend pas. Ma course, c'est comme si je ne me rappelais pas que j'ai une course à faire. Elle peut courir tout seule, ma course. Moi, je ne l'entends pas. Oublié. Et moi, qui tourne tout seul de mon côté, qui m'a oublié? Non, je me fâche. Oui, je me fâche. Mais je ne parle à personne. Je ne vais pas lui dire tu ni vous, rien, je lui dis rien. Je parle par-dessus les têtes. Je parle en général, par-dessus les têtes particulières. Je parle tout seul, devant ce canapé. Ce canapé qui se prolonge, qui n'en finit pas d'être ce canapé. Velours bleu. Quatre pattes et la queue qui ne tourne plus. Tout ce qui fait du silence, au fond, ce canapé, c'est cette assiette accrochée au mur, tout ce qui fait du silence ressemble à un disque qui tourne sans aiguille, à un haut-parleur, à une grande bouche ouverte, noire, qui ne dit rien. Qu'est-ce que c'est, ce disque? Oui, Bach, aidez-moi, je disais quelque chose, je n'aime pas qu'on m'interrompe, je disais... Qui est-ce qui m'a interrompu? Moi, comme d'habitude, je finirai par en finir. Parlez. Eh oui, je vous attends. Un jour, je parlerai plus tout seul, je m'en irai. Là-bas, j'aurai beau me dissimuler des micros partout, vous n'entendrez plus ce que je dis tout seul, vous tous à l'affût qui m'écoutez. Tenez, même le téléphone qui m'écoute, mon téléphone. Ah, ben bravo! Il est coupé, mon téléphone. Coupé! En deux, il est coupé. Pardon, en quatre! Ah, ben bravo! Un téléphone qui m'a coûté une fortune. Qui c'est qui me l'a coupé? En quatre. Je m'en fiche. On ne téléphone jamais, alors. Vous pouvez bien me l'arracher, mon téléphone. C'est pas moi qui vais me plaindre, à me plaindre. Il y a longtemps que je renonce à tout ça, je dis rien. Je parle pas, je suis muet. Ceux qui m'accusent de parler tout seul, ce sont leurs oreilles qui sifflent. On n'a jamais entendu personne parler moins que moi. Je reste dans mon coin, je dis rien. D'ailleurs, j'ai rien à dire. Ah, c'est tout de même insensé. Ah, mais c'est insensé. Je suis là, je ne dis rien. Je ne fais pas de bruit. Franchement, je ne fais pas de bruit. Chut. Et vous les entendez? Vous les entendez pas? Ils m'écoutent. À droite, à gauche. En l'air, en bas, partout. Oh, oh, mais qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir ce que je dis? Ils m'écoutent, moi qui ne dis rien. Moi, pareil, à une seule. Une seule, j'ai mangé à midi. Une seule, elle n'était pas plus muette que moi. Je suis muet, moi, parce que mon père était muet. J'ai toujours beaucoup admiré mon père. Ma mère, elle ne me répondait jamais. C'est pour ça que je me souviens d'elle, et je m'en souviendrai longtemps, la vache. On est muet dans la famille. Vous savez, un disque de Bach qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne. Je m'appelle pas Bach, mais je tourne. Quelqu'un qui me verrait, ça ne tarderait pas à le fatiguer de me voir tourner. Il me dirait, ça suffit comme ça, disparaissez. Mais non, il n'y a personne, je suis là, je ne parle pas, je ne dis rien. Il n'y a personne. Ça m'est égal qui m'écoute. Un de ces disques qui tournent sans aiguille et qui ne font que du silence, muet, c'est comme ça que je suis. Je suis un disque qui tourne. Allez, arrachez-le, ce disque, à son tourne-disque. Hein? Arrêtez le tourne-disque, pas la peine de le laisser tourner comme ça. Fermez-le, fermez tout. Prenez le disque, au lieu qu'il soit horizontal, mettez-le vertical. Et puis, alors, vous le glissez dans son enveloppe, hein? Très doucement. Vous le prenez entre trois doigts, le pouce, le médius et l'index de la main droite. Toujours vertical, hein? Et vous allez le porter. vous marchez. Un pas, deux pas, trois pas. Vous marchez jusqu'au placard. Et la date de la main gauche, vous ouvrez le placard. Vous jetez un coup d'œil dedans. D'abord, vous voyez qu'il y a verticalement rangé des livres, des trucs, des outils, des pneus, des vêtements pendus, et dans un coin, quelques disques. Vous glissez votre disque, l'enveloppe du disque avec votre disque dedans. Vous les glissez tout doucement entre deux autres disques. Votre main droite alors est libre. Vous l'élevez en l'air et vous la passez dans les cheveux. Avec votre main gauche, vous refermez la porte du placard. Et voilà! Votre disque et vous, vous êtes tranquille pour la nuit. Tranquille pour la nuit. Eh bien, c'est ainsi que je suis. Je vais me glisser verticalement dans mon lit. Entre le drap de devant et le drap de derrière. Un derrière, un devant, car je couche dans un lit vertical à cause de mes insomnies. Je ne supporte pas l'insomnie. Je dors debout, entre deux draps, comme entre deux drapeaux pendus, l'un rouge, l'autre bleu. Moi, c'est le blanc. Bleu, blanc, rouge. Telles sont les couleurs de mes nuits.